Bonjour, mon micro il marche jamais, comme s'il y a des maudits fatigués qui venaient tout le temps jouer dans les paramètres, fait que je vais juste parler plus fort, ok? Vous vous souvenez quand j'avais parlé par rapport à Bernard Drainville qui nous fait peur avec les musulmans dans les écoles, puis que je vous disais que c'était de la manipulation puis une diversion, puis ce qui était visé dans le fond, c'était le côté, le passé catholique. Notre passé catholique. Moi, l'affaire, c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire d'histoire puis de prérogative, ok? Puis ce qui m'écœure le plus là-dedans, c'est que c'est fait d'une façon manipulatrice, puis que c'est hypocrite, c'est de l'hypocrisie. Puis là, pendant que Trump nous attaque, pendant que l'autre Cossette Trudel fait un fou de lui puis que la Lucie Laurier crache dessus, pendant que Pierre Blanchette, il vient m'attaquer, ben eux autres, là, sont en train de changer le nom de toutes les écoles puis de faire comme si ça avait jamais existé. Mais c'est bien de valeur, mais Jacques Cartier, c'est pas un dildo au nom de Brigitte Macron qui a planté quand il est arrivé. Ça fait partie de notre histoire. Puis moi, j'accepterai pas ça. Votre maudite laïcité maçonnique. Puis notre histoire, c'est pas ça. Mon peuple est en train de mourir de peine et d'humiliation. Ça, c'est la réalité.